Radio Mont-Blanc, l'agenda. On part aux Ouches dans le cadre de l'opération nationale Octobre Rose. La commune des Ouches se mobilise pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et organise une marche conviviale et solidaire. C'est ce samedi 11 octobre. Les participants sont invités à se rassembler à 13h30 à l'arrêt de bus de Tacona pour une marche jusqu'au centre du village. À l'arrivée, un goûter sera offert par la mairie. Les inscriptions sont ouvertes à l'office du tourisme des Ouches ou venez directement sur place le jour J. La participation est fixée à 10 € et tous les fonds seront intégralement reversés à la recherche contre le cancer du sein. Le dress code de la journée, évidemment, tout le monde en rose. Vous allez pouvoir courir en rose également pour la Mèche Vanne qui est de retour. Ce trail 100% féminin où chaque participante, débutante ou confirmée, pourra repousser ses limites au travers de deux parcours au choix, 9 km ou 16,5 km. Et la fête ne s'arrête pas là puisque toutes les familles vont pouvoir partager cette aventure de la Mèche Vanne avec des courses dédiées aux enfants, une course déguisée familiale accessible à tous. Et pour clôturer cette journée sportive et conviviale, il y aura une soirée after run avec repas et concerts sous chapiteau. À l'occasion d'Octobre Rose, la Mèche Vanne renforce son engagement pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, une partie de l'inscription sera reversée à l'association des Bonnes Fées. Et Radio Mont-Blanc vous offre votre dossard pour les courses principales. Vous envoyez Mèche Vanne pour participer sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47.